Document J, chapitre 22e, fiche du KGB sur Ekstad Olaf. Nom, Ekstad. Prénom, Olaf. Nationalité, norvégien. Fonction, délégué. Lieu d'exercice, siège de l'UNESCO, Paris. Signe particulier, 56 ans, écrivain, auteur de polars scandinaves traduit en une quarantaine de langues, scénariste pour le cinéma et la télévision. Son allure, comme son style de vie, tranche avec les normes habituelles de l'UNESCO. Gros fumeur, alcoolique et rustre. Observation. Arrivé un jour en séance, passablement éméché en jean et en veste kaki, récupéré probablement dans un surplus de l'armée américaine. Il fit un scandale quand on refusa de le laisser entrer au prétexte que son habillement était inconvenant. Inventif, il revint 10 minutes plus tard, dans la même tenue, mais affublé d'une cravate bleue avec le logo du Paris Saint-Germain, qu'il avait acheté à un vendeur à la sauvette à 2 pas du siège de l'institution internationale. Ascendant, Ekstad a grandi comme la plupart des jeunes Norvégiens de sa génération avec l'image du diable allemand inculquée par les programmes d'histoire. À l'âge de 15 ans, en fouillant les armoires du grenier à la recherche d'un déguisement, le jeune Olaf est tombé sur l'uniforme d'apparat de Harry, son père. Il vit aussi sur certaines photos cet homme au milieu d'autres SS. Sur d'autres clichés figuraient des charniers laissés par Harry lors de son passage sur le front Est. À 15 ans, Olaf découvrait donc que son père, issu d'une famille anticommuniste, avait été un volontaire norvégien engagé sur le front russe. Intégré au sein d'un régiment de chars des Waffen-SS, une unité d'élite de la division Totenkopf, blessé après la bataille de Kharkov, Harry Ekstad fut alors rapatrié. Commentaire du KGB. Quiconque aurait été épouvanté. Pour lui, ce fut une révélation. Il se plongea sans retenue dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il relia, par la suite, la plupart des aventures de son héros récurrent, le commissaire Rolf Knudsen. Sans jamais afficher de sympathie pour l'extrême droite, il se décrit comme écologiste et paganiste. Ses romans font la part belle aux mafieux russes et aux terroristes islamistes. Ils sont tous plus cruels et sanguinaires les uns que les autres. Il est ravi d'avoir été choisi par son gouvernement pour intégrer l'UNESCO, se ramasser de gauchistes et de ronds de cuir usagés, selon sa formule. Information confidentielle, classée secret défense. Ainsi s'achève Volkodlak, les loups du Kremlin, par Arnaud et Francis Fontaine.